Exercice 7, page 80. A. Tu veux une prune ? B. Tu veux une jupe ? C. Tu veux une mûre ? D. Tu veux une fleur ? E. Tu veux une feuille ? F. Tu veux une preuve ?